Le poteau en cellule, faut que tu envoies un colis. Mon amour s'en va, je reste que dans la zone. Et je m'en vais quand je vois que sur moi ça se questionne. J'ai le sens, tu m'aimes bien, mais pourquoi tu m'y donnes? Maintenant, t'étonnes pas si je traîne seul. Pour rester en bas des tours, quand y'a là-bas qui court. Je l'ai parlé une fois, elle croit que c'est ma jolie. S'imagine finir ses journées dans mon lit. Dans mon lit. Et c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas. J'ai trop de travail, Chiquita. J'espère que tu m'en veux pas. Alors que je l'évoque, je suis garé devant le bloc. Sous drogue, les potes, rien ne change à part l'époque. Changer d'équipe, je craque, j'écris, je dis ce que je vis, le cross, je le crique, je crame le game, ça parle à what again. Certains gars DM, d'autres diront que j'ai pas de dégaine. Faut savoir couper les ponts, faut savoir jeter l'éponge. En bégaye, jure le bon Dieu qui frappe pas s'il y a deux vins, il penche. Et désolé si tu veux me voir faire un saut. L'aide depuis que je vise le saut, mais je ne trouvais plus le saut. Mais tu profites, c'est rien, je t'en veux pas, mais tu es quand même un fils de. Je t'ai donné, tu m'as trahi, je t'ai pardonné, tu es qu'un fils de. Mon amour s'en va, je reste que dans la zone. Et je m'en vais quand je vois que sur moi ça se questionne. J'ai le sens, tu m'aimes bien, mais pourquoi tu m'y donnes? Maintenant, t'étonnes pas si je traîne seul. Sur moi ça se questionne. J'ai le sens, tu m'aimes bien, mais pourquoi tu m'y donnes?